vent, m'envoler loin de tout. Un instant, te rejoindre n'importe où. Dis-moi que tu m'attends. Dis-moi n'importe quoi. Le bonheur au présent est fait pour nous. On peut bien parler de hasard, de destinée. Je sais que si je suis née, c'est pour t'aimer. Depuis que ton regard a déchiré mes jours, sur l'éclat du miroir de nos amours. Et toi, tu es mon double jeu. J'ai misé sur nous deux. Pour la vie, crois-moi si tu veux. Moi, j'ai lu dans tes yeux. Toi, tu es mon double jeu, mon unique impatience. Que l'amour me donne une chance, me donne une seule chance. Un père et passe en rouge ou bien en noir. Les menaces ne me font plus peur. Ce soir, et même si tout s'efface, même si le désespoir nous ment et nous embrasse, moi je t'enlace. On peut bien parler de hasard, de destinée. Je sais que si je suis née, c'est pour t'aimer. Depuis que ton regard a déchiré mes jours, sur l'éclat du miroir de nos amours. Car toi, tu es mon double jeu. J'ai misé sur nous deux. Pour la vie, crois-moi si tu veux. Moi, j'ai lu dans tes yeux. Que toi, tu es mon double jeu, mon unique impatience. Que l'amour me donne une chance, me donne une seule chance.